médiocrité. L'oiseau de mauvais augure, affranchi de la censure, sera le petit tweeté en toute impunité. S'en viennent combler le vide du réseau. Elle subira la violence pour un instant d'ignorance, un moment abandonné, juste désinhibé, voir écraser son destin. Un screenshot assassin n'est pas une fatalité évidente à gérer. On les fera payer cher sans l'incartade éphémère. Elle deviendra la risée de la communauté. Dans sa tête une évidence, elle emmènera sa souffrance à jamais se reposer sous le RERC. Pour mieux les exciter, la Ferrari de Kouchner et les migrants millionnaires. Tant de thèmes pour disserter chez les décérébrés. Les patriotes en colère n'entendent pas se laisser faire. À coups de fêtes enragés, clament leur identité. La peste brûle à nos portes, l'armée des sombres est plus forte. Toujours prête à rassembler les brebis égarés. Les filets des fachos.